Yeah, on était la mixtape. Le Texas. Yeah, yeah, yeah, yeah. Rap par nature, attitude pas assidue. Ah si tu savais, j'pris plus par habitude. Check ça, show ta gueule. Yeah, yeah, yeah, yeah. Rap par nature, attitude pas assidue. Ah si tu savais, j'pris plus par habitude. Garde les gesticules, ouais j'ai geste qui tue. J'porte les testicules, rien à foutre, tes tests c'est dur. J'suis qu'un arabe qui rappe par la rage, rongé par la lassitude. Putain chature, roule un bête pur et j'frotte sa dure. Si les lives ça dure, rien à foutre, j'ai pas de statut. J'nique ta censure, t'es accroché à mon flow comme une censure. Shoot ta gun, illicite, et toi t'es censé remuer la merde. Ils aiment à croire qu'ils sont scartons. Les potos ne sont plus optimistes. Écoute ce rap que j'optimise. Oh les petits viseurs, grand luxe. Blonde 4-4 Lexus, n'est foutre qu'à confondu. Eh mec, n'oublie pas que c'est moi la crape, une crème fendue. J'crame ta fouf, la rue est rude. Les tepus en fente des faux qui blasphèment à chaque coin de rue. Show ta gun, illicite, flow, prépare, cri criminel. Chut, chut, flow, criminel.